Rome, chapitre 3. À 10h moins le quart, le lendemain matin, Pierre descendit au premier étage du palais pour se présenter à l'audience du cardinal Boccanera. Il venait de se réveiller, plein de courage, repris par l'enthousiasme naïf de sa foi. Et rien n'était resté de son singulier accablement de la veille, des doutes et des soupçons qu'il avait saisis au premier contact de Rome dans la fatigue de l'arrivée. Il faisait si beau, le ciel était si pur, que son cœur s'était remis à battre d'espérance. Sur le vaste palier, la porte de la première antichambre se trouvait large ouverte, à deux battants. Le cardinal, un des derniers cardinaux du patriciat romain, tout en fermant les salons de gala dont les fenêtres donnaient sur la rue et qui se pourrissaient de vétusté, avait gardé l'appartement de réception d'un de ses grands-oncles, cardinal comme lui, vers la fin du XVIIIe siècle. C'était une série de quatre immenses pièces, hautes de 6 mètres, qui prenaient jour sur la ruelle en pente, descendant au Tibre, et le soleil n'y pénétrait jamais, barré par les noires maisons d'en face. L'installation avait donc été conservée dans tout le faste et la pompe des princes d'autrefois, grands dignitaires de l'Église. Mais aucune réparation n'était faite, aucun soin n'était pris. Les tentures pendaient en loques, la poussière mangeait les meubles, au milieu d'une complète insouciance, où l'on sentait comme une volonté hautaine d'arrêter le temps. Pierre éprouva un léger saisissement en entrant dans la première pièce, l'antichambre des domestiques. Jadis, deux gendarmes pontificaux, en tenue, restaient là à demeure parmi un flot de valets. Et un seul domestique, aujourd'hui, augmentait encore par sa présence fantomatique la mélancolie de cette vaste salle, à demi-obscure. Surtout, ce qui frappait la vue en face des fenêtres, c'était un autel drapé de rouge, surmonté d'un baldaquin tendu de rouge, sous lequel étaient brodées les armes des Boccanera, le dragon ailé soufflant des flammes, avec la devise « Boccanera Alma Rossa ». Et le chapeau rouge du grand-oncle, l'ancien grand chapeau de cérémonie, se trouvait également là, ainsi que les deux coussins de soie rouge et les deux antiques parasols pendus au mur qu'on emportait dans le carrosse à chaque sortie. Au milieu de l'absolu silence, on croyait entendre le petit bruit discret des mythes qui rongeaient depuis un siècle tout ce passé mort, qu'un coup de plumeau aurait fait tomber en poudre. La seconde antichambre, celle où se tenait autrefois le secrétaire, une salle aussi vaste, était vide, et Pierre dut la traverser. Il ne découvrit Don Vigilio que dans la troisième, l'antichambre noble. Avec son personnel désormais réduit au strict nécessaire, le cardinal avait préféré avoir son secrétaire sous la main, à la porte même de l'ancienne salle du trône dans laquelle il recevait. Et Don Vigilio, si maigre, si jaune, si frissonnant de fièvre, était là comme perdu, à une toute petite et pauvre table noire chargée de papier. Plongé au fond d'un dossier, il leva la tête, reconnut le visiteur, et, d'une voix basse, à peine murmure dans le silence, « Son éminence est occupée, veuillez attendre. » Puis il se replongea dans sa lecture, sans doute pour échapper à toute tentative de conversation. N'osant s'asseoir, Pierre examina la pièce. Elle était peut-être encore plus délabrée que les deux autres, avec sa tenture de damas vert, élimée par l'âge, pareille à la mousse qui se décolore sur les vieux arbres. Mais le plafond restait superbe, toute une décoration somptueuse, une haute frise dont les ornements peints et dorés encadraient un triomphe d'Amphitrite, d'un des élèves de Raphaël. Et, selon l'antique usage, C'était dans cette pièce que la barrette était posée, sur une crédence, au pied d'un grand crucifix d'ébène et d'ivoire. Mais comme il s'habituait au demi-jour, il fut tout d'un coup très intéressé par un portrait en pied du cardinal, peint récemment. Celui-ci y était représenté en grand costume de cérémonie, la soutane de moire rouge, le rocher de dentelle, la cappa jetée royalement sur les épaules. Et ce haut vieillard de 70 ans avait gardé dans ce vêtement d'église son allure fière de prince, entièrement rasé, les cheveux si blancs et si drus encore qu'ils foisonnaient en boucles sur les épaules. C'était le masque dominateur des Boccanera, le nez fort, la bouche grande, aux lèvres minces, dans une face longue, coupée de larges plis. Et surtout, les yeux de sa race éclairaient la face pâle, des yeux très bruns, de vie ardente, sous des sourcils épais restés noirs. La tête laurée, il aurait rappelé les têtes des empereurs romains, très beau et maître du monde, comme si le sang d'Auguste avait battu dans ses veines. Pierre savait son histoire, et ce portrait l'évoquait en lui. Élevé au collège des nobles, Pio Boccanera n'avait quitté Rome qu'une fois, très jeune, à peine diacre, pour aller à Paris présenter une barrette, comme abléga. Puis, sa carrière ecclésiastique s'était déroulée souverainement, les honneurs lui étaient venus d'une façon toute naturelle, due à sa naissance. Consacré de la main même de Pie IX, fait plus tard chanoine de la basilique vaticane, et camérier secret participant, nommé majordome après l'occupation italienne, et enfin cardinal en 1874. Depuis 4 ans, il était camerlingue, et l'on racontait tout bas que Léon XIII l'avait choisi pour cette charge, comme Pie IX autrefois l'avait choisi lui-même, afin de l'écarter de la succession au trône pontifical. Car, si en le nommant, le conclave avait méconnu la tradition qui voulait que le camerlingue ne pût être élu pape, sans doute reculerait-on devant une infraction nouvelle. Et l'on disait encore que la lutte sourde continuait, comme sous le règne passé, entre le pape et le camerlingue. Ce dernier à l'écart, condamnant la politique du Saint-Siège, d'opinion radicalement opposée en tout, attendant muet, dans le néant actuel de sa charge, la mort du pape, qui lui donnerait le pouvoir intérimaire jusqu'à l'élection du pape nouveau. Le devoir d'assembler le conclave et de veiller à la bonne expédition transitoire des affaires de l'Église. L'ambition de la papauté, le rêve de recommencer l'aventure du cardinal Pecci, camerlingue et pape, n'était-il pas derrière ce grand front sévère, dans la flamme même de ses regards noirs? Son orgueil de prince romain ne connaissait que Rome. Il se faisait presque une gloire d'ignorer totalement le monde moderne. Et il se montrait d'ailleurs très pieux, d'une religion austère, d'une foi pleine et solide, incapable du plus léger doute. Mais un chuchotement tira Pierre de ses réflexions. C'était Don Vigilio qui l'invitait à s'asseoir de son air prudent. « Ce sera long, peut-être. Vous pouvez prendre un tabouret. » Et il se mit à couvrir une grande feuille jaunâtre d'une écriture fine, tandis que Pierre, machinalement, pour obéir, s'asseyait sur un des tabourets de chêne rangés le long du mur, en face du portrait. Il retomba dans une rêverie. Il crut voir renaître et éclater autour de lui le faste princier d'un des cardinaux d'autrefois. D'abord, le jour où il était nommé, le cardinal donnait des fêtes, des réjouissances publiques, dont certaines sont citées encore pour leur splendeur. Pendant 3 journées, les portes des salons de réception restaient grandes ouvertes, entrait qui voulait. Et, De salle en salle, des huissiers lançaient, répétaient les noms « Patricia, bourgeoisie, menu peuple, Rome entière » que le nouveau cardinal accueillait avec une bonté souveraine, tel qu'un roi ses sujets. Puis, c'était toute une royauté organisée. Certains cardinaux, jadis, déplaçaient plus de 500 personnes avec eux, avaient une maison qui comprenait 16 offices, vivaient au milieu d'une véritable cour. Même plus récemment, lorsque la vie se fut simplifiée, un cardinal, s'il était prince, avait droit à un train de gala de 4 voitures, attelées de chevaux noirs. 4 domestiques le précédaient, en livrée à ses armes, portant le drapeau, les coussins et les parasols. Il était en outre accompagné du secrétaire en manteau de soie violette, du caudataire revêtu de la crocia, sorte de douillette en laine violette avec des revers de soie, et du gentilhomme en costume Henri II tenant la barrette entre ses mains gantées. Quoique diminué déjà, le train de maison comprenait encore l'auditeur chargé du travail des congrégations, le secrétaire uniquement employé à la correspondance, le maître de chambre qui introduisait les visiteurs, le gentilhomme qui portait la barrette, et le caudataire, et le chapelain, et le maître de maison, et le valet de chambre. Sans compter la nuée des valets en sous-ordre, les cuisiniers, les cochers, les palefreniers, un véritable peuple dont bourdonnaient les palais immenses. Et c'était de ce peuple que Pierre, par la pensée, remplissait les 3 vastes antichambres précédant la salle du trône. C'était ce flot de laquais en livrée bleue aux passementeries armoriées, ce monde d'abbés et de prélats en manteau de soie, qui revivait devant lui, mettant toute une vie passionnée et magnifique sous les hauts plafonds vides, dans les demi-ténèbres qu'il éclairait de sa splendeur ressuscitée. Mais aujourd'hui, surtout depuis l'entrée des Italiens à Rome, les grandes fortunes des princes romains s'étaient presque toutes effondrées, et le faste des hauts dignitaires de l'Église avait disparu. Dans sa ruine, le patriciat, s'écartant des charges ecclésiastiques, mal rémunérées, de gloire médiocre, les abandonnait à l'ambition de la petite bourgeoisie. Le cardinal Boccanera, le dernier prince d'antique noblesse revêtu de la pourpre, n'avait guère pour tenir son rang que 30 000 francs environ, les 22 000 francs de sa charge, augmentés de ce que lui rapportaient certaines autres fonctions. Et jamais il n'aurait pu s'en tirer si Donna Serafina n'était venue à son aide avec les miettes de l'ancienne fortune patrimoniale qu'il avait jadis abandonnée à ses 2 sœurs et à son frère. Donna Serafina et Benedetta faisaient ménage à part, vivaient chez elles avec leur table, leurs dépenses personnelles, leurs domestiques. Le cardinal n'avait avec lui que son neveu Dario, et jamais il ne donnait un dîner ni une réception. La plus grande dépense était son unique voiture, le lourd carrosse à 2 chevaux que le cérémonial lui imposait. Car un cardinal ne peut marcher à pied dans Rome. Encore son cocher, un vieux serviteur, lui épargnait-il un palefrenier par son entêtement à soigner seul le carrosse et les 2 chevaux noirs, vieillis comme lui dans la famille. Il y avait 2 laquais, le père et le fils, ce dernier né au palais. La femme du cuisinier aidait à la cuisine. Mais les réductions portaient plus encore sur l'antichambre noble et sur la première antichambre. Tout l'ancien personnel, si brillant et si nombreux, se réduisait maintenant à 2 petits prêtres, Don Vigilio, le secrétaire, qui était en même temps l'auditeur et le maître de maison, et l'abbé Paparelli, le caudataire, qui servait aussi de chapelain et de maître de chambre. Où la foule des gens à gages de toutes conditions avait circulé, emplissant les salles de leur éclat, On ne voyait plus que ces deux petites soutanes noires filées sans bruit. Deux ombres discrètes, perdues dans la grande ombre des pièces mortes. Et comme Pierre la comprenait, à présent, la hautaine insouciance du cardinal, laissant le temps achever son œuvre de ruine dans ce palais des ancêtres, auquel il ne pouvait rendre la vie glorieuse d'autrefois. Bâti pour cette vie, pour le train souverain d'un prince du XVIe siècle, le logis croulait, déserté et noir, sur la tête de son dernier maître, qui n'avait plus assez de serviteurs pour le remplir, et qui n'aurait pas su comment payer le plâtre nécessaire aux réparations. Alors, puisque le monde moderne se montrait hostile, puisque la religion n'était plus reine, puisque la société était changée et qu'on allait à l'inconnu, au milieu de la haine et de l'indifférence des générations nouvelles, pourquoi donc ne pas laisser le vieux monde tomber en poudre dans l'orgueil obstiné de sa gloire séculaire? Les héros seuls mouraient debout, sans rien abandonner du passé, fidèles jusqu'au dernier soude à la même foi, n'ayant plus que la douloureuse bravoure, l'infinie tristesse d'assister à la lente agonie de leur dieu. Et, dans le haut portrait du cardinal, dans sa face pâle, si fière, si désespérée et brave, il y avait cette volonté têtue de s'anéantir sous les décombres du vieil édifice social, plutôt que d'en changer une seule pierre. Le prêtre fut tiré de sa rêverie par le frôlement d'une marche furtive. Un petit trot de souris qui lui fit tourner la tête. Une porte venait de s'ouvrir dans la tenture. Et il eut la surprise de voir s'arrêter devant lui un abbé d'une quarantaine d'années, gros et court, qu'on aurait pris pour une vieille fille en jupe noire, très âgée déjà, tellement sa face molle était couturée de rides. C'était l'abbé Paparelli, le caudataire, le maître de chambre, qui, à ce dernier titre, se trouvait chargé d'introduire les visiteurs. Et il allait questionner celui-ci, en l'apercevant là, lorsque Don Vigilio intervint pour le mettre au courant. « Ah, bien, bien, monsieur l'abbé Froment, que son éminence daignera recevoir. Il faut attendre, il faut attendre. » Et, de sa marche roulante et muette, il alla reprendre sa place dans la seconde antichambre où il se tenait d'habitude. Pierre n'aima point ce visage de vieille dévote, blêmi par le célibat, ravagé par des pratiques trop rudes. Et, comme Don Vigilio ne s'était pas remis au travail, la tête lasse, les mains brûlées de fièvre, il se hasarda à le questionner. « Oh ! L'abbé Paparelli, un homme de la foi la plus vive, qui restait par simple humilité dans un poste modeste près de son éminence. D'ailleurs, celle-ci voulait bien l'en récompenser, en ne dédaignant pas, parfois, d'écouter ses avis. » Et il y avait, dans les yeux ardents de Don Vigilio, une sourde ironie, une colère voilée encore, tandis qu'il continuait à examiner Pierre, l'air rassuré un peu, gagné par l'évidente droiture de cet étranger, qui ne devait faire partie d'aucune bande. Aussi finissait-il par se départir de sa continue et maladive méfiance. Il s'abandonna, jusqu'à causer un instant. « Oui, oui, il y a parfois beaucoup de besogne, et assez dur. » Son éminence appartient à plusieurs congrégations. Le Saint-Office, l'Index, les rites, la consistoriale. Et pour l'expédition des affaires qui lui incombent, c'est entre mes mains que tous les dossiers arrivent. Il faut que j'étudie chaque affaire, que je fasse un rapport, enfin que je débrouille la besogne. Sans compter que toute la correspondance, d'autre part, me passe par les mains. Heureusement, son éminence est un saint, qui n'intrigue ni pour lui ni pour les autres, ce qui nous permet de vivre un peu à l'écart. Pierre s'intéressait vivement à ces détails intimes d'une de ces existences de prince de l'Église, si cachées d'ordinaire, déformées souvent par la légende. Il sut que le cardinal, hiver comme été, se levait à 6 heures du matin. Il disait sa messe dans sa chapelle, une petite pièce meublée seulement d'un autel en bois peint, et où personne n'entrait jamais. D'ailleurs, son appartement particulier ne se composait que d'une chambre à coucher, une salle à manger et un cabinet de travail. Des pièces modestes, étroites, qu'on avait taillées dans une grande salle à l'aide de cloisons. Il y vivait très enfermé, sans luxe aucun, en homme sobre et pauvre. À 8 heures, il déjeunait, une tasse de lait froid. Puis, les matins de séance, il se rendait aux congrégations dont il faisait partie, ou bien il restait chez lui à recevoir. Le dîner était à 1 heure, et la sieste venait ensuite jusqu'à 4 heures, et même 5 en été. La sieste de Rome, le moment sacré, pendant lequel pas un domestique n'aurait osé même frapper à la porte. Les jours de beau temps, au réveil, il faisait une promenade en voiture, du côté de l'ancienne voie appienne, d'où il revenait au coucher du soleil lorsqu'on sonnait l'Ave Maria. Et enfin, après avoir reçu de 7 à 9, il soupait, rentrait dans sa chambre, ne reparaissait plus, travaillait seul ou se couchait. Les cardinaux vont chez le pape 2 ou 3 fois par mois, à jour fixe, pour les besoins du service. Mais depuis bientôt 1 an, le camerlingue n'avait pas été admis en audience particulière, ce qui était un signe de disgrâce, une preuve de guerre dont tout le monde noir causait bas avec prudence. « Son éminence est un peu rude !» continuait Don Vigilio doucement, heureux de parler dans un moment de détente. « Mais il faut la voir sourire lorsque sa nièce, la Contessina, qu'elle adore, descend l'embrasser. Vous savez que, si vous êtes bien reçu, vous le devrez à la Contessina. » À ce moment, il fut interrompu. Un bruit de voix venait de la 2e antichambre, et il se leva vivement. Il s'inclina très bas, en voyant entrer un gros homme à la soutane noire, ceinturée de rouge, coiffé d'un chapeau noir, à torsade rouge et or, et que l'abbé Paparelli amenait avec tout un déploiement d'humbles révérences. Il avait fait signe à Pierre de se lever également. Il put lui souffler encore « Le cardinal Sanguinetti, préfet de la congrégation de l'Index. » Mais l'abbé Paparelli se prodiguait, s'empressait, répétait d'un air de béate satisfaction « « Votre éminence, révérendissime, est attendue. J'ai ordre de l'introduire tout de suite. Il y a déjà là son éminence le grand pénitencier. » Sanguinetti, la voix haute, le pas sonore, eut un éclat brusque et familier. « Oui, oui, une foule d'importuns qui m'ont retenu. On ne fait jamais ce qu'on veut. Enfin, j'arrive. » C'était un homme de 60 ans. Trapu et gras, la face ronde et colorée, avec un nez énorme, des lèvres épaisses, des yeux vifs, toujours en mouvement. Mais il frappait surtout par son air de jeunesse active, turbulente presque, les cheveux bruns encore, à peine semés de fils d'argent, très soignés, ramenés en boucle sur les tempes. Il était né à Viterbe, avait fait ses classes au séminaire de cette ville avant de venir à Rome les achever à l'université grégorienne. Ses états de service ecclésiastique disaient son chemin rapide, son intelligence souple. D'abord secrétaire de nonciature à Lisbonne, ensuite nommé évêque titulaire de Thèbes et chargé d'une mission délicate au Brésil. Dès son retour, fait nonce à Bruxelles, puis à Vienne. Et enfin cardinal, sans compter qu'il venait d'obtenir l'évêché suburbicaire de Frascati. Rompu aux affaires, ayant pratiqué toute l'Europe, il n'avait contre lui que son ambition trop affichée, son intrigue toujours aux aguets. On le disait maintenant irréconciliable, exigeant de l'Italie la reddition de Rome, bien qu'autrefois il eût fait des avances au Quirinal. Dans sa furieuse passion d'être le pape de demain, il sautait d'une opinion à une autre, se donnait mille peines pour conquérir des gens, qu'il lâchait ensuite. Deux fois déjà, il s'était fâché avec Léon XIII, puis avait cru politique de faire sa soumission. La vérité était que, candidat presque avoué à la papauté, il s'usait par son continuel effort, trempant dans trop de choses, remuant trop de monde. Mais Pierre n'avait vu en lui que le préfet de la congrégation de l'Index, et une idée seule l'émotionnait, celle que cet homme allait décider du sort de son livre. Aussi, lorsque le cardinal eut disparu et que l'abbé Paparelli fut retourné dans la deuxième antichambre, ne put-il s'empêcher de demander à Don Vigilio « Leurs éminences, le cardinal Sanguinetti et le cardinal Boccanera, sont donc très liés ?» Un sourire pinça les lèvres du secrétaire, pendant que ses yeux flambaient d'une ironie dont il n'était plus maître. « Oh, très liés, non, non, elles se voient quand elles ne peuvent pas faire autrement. » Et il expliqua qu'on avait des égards pour la haute naissance du cardinal Boccanera, de sorte qu'on se réunissait volontiers chez lui lorsqu'une affaire grave se présentait, comme ce jour-là précisément, nécessitant une entrevue en dehors des séances habituelles. Le cardinal Sanguinetti était le fils d'un petit médecin de Viterbe. Non, non, leurs éminences ne sont pas liées du tout. Quand on n'a ni les mêmes idées, ni le même caractère, il est bien difficile de s'entendre. Et surtout quand on se gêne. Il avait dit cela plus bas, comme à lui-même, avec son sourire mince. D'ailleurs, Pierre écoutait à peine, tout à sa préoccupation personnelle. « Peut-être bien est-ce pour une affaire de l'index qu'ils sont réunis ?» demanda-t-il. Don Vigilio devait savoir le motif de la réunion, mais il se contenta de répondre que, pour une affaire de l'index, la réunion aurait eu lieu chez le préfet de la congrégation. Et Pierre, cédant à son impatience, en fut réduit à lui poser une question directe. « Mon affaire à moi, l'affaire de mon livre, vous la connaissez, n'est-ce pas? Puisque son éminence fait partie de la congrégation et que les dossiers vous passent par les mains, vous pourriez peut-être me donner quelque utile renseignement? Je ne sais rien et j'ai une telle hâte de savoir. » Du coup, Don Vigilio fut repris de son inquiétude effarée. Il bégaya d'abord, disant qu'il n'avait pas vu le dossier, ce qui était vrai. « Je vous assure, aucune pièce ne nous est encore parvenue. J'ignore absolument tout. » Puis, comme le prêtre allait insister, il lui fit signe de se taire. Il se remit à écrire, jetant des regards furtifs vers la deuxième antichambre, craignant sans doute que l'abbé Paparelli n'écoutât. Décidément, il avait parlé beaucoup trop. Et il se rapetissait à sa table, fondu, disparu dans son coin d'ombre. Alors Pierre revint à sa rêverie, envahi de nouveau par tout cet inconnu qui l'entourait, par la tristesse ancienne et ensommeillée des choses. D'interminables minutes durent s'écouler. Il était près de 11 heures, et un bruit de porte, un bruit de voix l'éveilla enfin. Il s'inclina respectueusement devant le cardinal Sanguinetti, qui s'en allait en compagnie d'un autre cardinal, très maigre, très grand, avec une figure grise et longue d'ascète. Mais ni l'un ni l'autre ne parut même apercevoir ce simple petit prêtre étranger, incliné ainsi sur leur passage. Ils causaient haut, familièrement. Ah oui, le vent descend. Il a fait plus chaud qu'hier. C'est à coup sûr du sirocco pour demain. Le silence retomba, solennel dans la grande pièce obscure. Don Vigilio écrivait toujours, sans qu'on entendît le petit bruit de sa plume sur le dur papier jaunâtre. Il y eut un léger tintement de sonnette fêlée, et l'abbé Paparelli accourut de la deuxième antichambre, disparut un instant dans la salle du trône, puis revint, appelé d'un signe Pierre, qu'il annonça d'une voix légère. Monsieur l'abbé Pierre Froment. La salle, très grande, était une ruine, elle aussi. Sous l'admirable plafond de bois sculpté et doré, les tentures rouges des murs, une brocatelle à grande palme, s'en allaient en lambeaux. On avait fait quelques reprises, mais l'usure moirait de ton pâle la pourpre sombre de la soie, autrefois d'un faste éclatant. La curiosité de la pièce était l'ancien trône, le fauteuil de velours rouge où prenait place jadis le Saint-Père quand il rendait visite au cardinal. Un dais, également de velours rouge, le surmontait, sous lequel se trouvait accroché le portrait du pape régnant. Et, selon la règle, le fauteuil était retourné contre le mur pour indiquer que personne ne devait s'y asseoir. D'ailleurs, il n'y avait pour tout mobilier dans la vaste salle que des canapés, des fauteuils, des chaises et une merveilleuse table Louis XIV de bois doré à dessus de mosaïque représentant l'enlèvement d'Europe. Mais Pierre ne vit d'abord que le cardinal Boccanera, debout près d'une autre table qui lui servait de bureau. Dans sa simple soutane noire, liserée et boutonnée de rouge, celui-ci lui apparaissait plus grand et plus fier encore que sur son portrait, dans son costume de cérémonie. C'étaient bien les cheveux blancs en boucle, la face longue, coupée de larges plis, au nez fort et aux lèvres minces. Et c'étaient les yeux ardents, éclairant la face pâle sous les épais sourcils restés noirs. Seulement, le portrait ne donnait pas la souveraine et tranquille foi qui se dégageait de cette haute figure, une certitude totale de savoir où était la vérité, et une absolue volonté de s'y tenir à jamais. Boccanera n'avait pas bougé, regardant fixement de son regard noir s'avançait le visiteur. Et le prêtre, qui connaissait le cérémonial, s'agenouilla, baisa la grosse émeraude qu'il portait au doigt. Mais tout de suite, le cardinal le releva. « Mon cher fils, soyez le bienvenu chez nous. Ma nièce m'a parlé de votre personne avec tant de sympathie que je suis heureux de vous recevoir. » Il s'était assis près de la table, sans lui dire encore de prendre lui-même une chaise, et il continuait à l'examiner, en parlant d'une voix lente, fort polie. « C'est hier matin que vous êtes arrivé, et bien fatigué, n'est-ce pas ?»« Votre éminence est trop bonne. Oui, brisée, autant d'émotion que de fatigue. Ce voyage est pour moi si grave !» Le cardinal sembla ne pas vouloir entamer dès les premiers mots la question sérieuse. « Sans doute, il y a tout de même loin de Paris à Rome. Aujourd'hui, ça se fait assez rapidement. Mais jadis, quel voyage interminable !» Sa parole se ralentit. « Je suis allé à Paris une seule fois. Oh, il y a longtemps, 50 ans bientôt. » Et pour y passer une semaine à peine. Une grande et belle ville, oui. Beaucoup de monde dans les rues. Des gens très bien élevés. Un peuple qui a fait des choses admirables. On ne peut l'oublier, même dans les tristes heures actuelles. La France a été la fille aînée de l'Église. Depuis cet unique voyage, je n'ai pas quitté Rome. D'un geste de tranquille dédain, il acheva sa pensée. « À quoi bon des courses au pays du doute et de la rébellion? Est-ce que Rome ne suffisait pas? Rome qui gouvernait le monde, la ville éternelle qui, au temps prédit, devait redevenir la capitale du monde. Pierre, muet, évoquant en lui le prince violent et batailleur d'autrefois, réduit à porter cette simple soutane, le trouva beau dans son orgueilleuse conviction que Rome se suffisait à elle-même. Mais cette obstination d'ignorance, cette volonté de ne tenir compte des autres nations que pour les traiter en vassales, l'inquiétèrent lorsque, par un retour sur lui-même, il songea au motif qui l'amenait. Et, comme le silence s'était fait, il crut devoir rentrer en matière par un hommage. Avant toute autre démarche, j'ai voulu mettre mon respect aux pieds de votre éminence, car c'est en elle seule que j'espère, c'est elle que je supplie de vouloir bien me conseiller et me diriger. » De la main, alors, Boccanera l'invita à s'asseoir sur une chaise en face de lui. « Certainement, mon cher fils, je ne vous refuse pas mes conseils. Je les dois à tout chrétien désireux de bien faire. Vous auriez tort seulement de compter sur mon influence. Elle est nulle. Je vis complètement à l'écart. Je ne puis et ne veux rien demander. Voyons, cela ne va pas nous empêcher de causer un peu. » Il continua, aborda très franchement la question, sans ruse aucune, en esprit absolu et vaillant qui ne redoute pas les responsabilités. « N'est-ce pas, vous avez écrit un livre, La Rome nouvelle, je crois, et vous venez pour défendre ce livre, qui est déféré à la congrégation de l'Index. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Vous comprenez que je ne puis tout lire. Je lis seulement les œuvres que m'envoie la congrégation, dont je fais partie depuis l'an dernier, et même je me contente souvent du rapport que rédige pour moi mon secrétaire. Mais ma nièce Benedetta a lu votre livre, et elle m'a dit qu'il ne manquait pas d'intérêt, qu'il l'avait d'abord un peu étonnée et beaucoup émue ensuite. Je vous promets donc de le parcourir, d'en étudier les passages incriminés avec le plus grand soin. » Pierre saisit l'occasion pour commencer à plaider sa cause, et il pensa que le mieux était d'indiquer tout de suite ses références à Paris. « Votre éminence comprend ma stupeur quand j'ai su qu'on poursuivait mon livre. Monsieur le vicomte Philibert de Lachoux, qui veut bien me témoigner quelque amitié, ne cesse de répéter qu'un livre pareil vaut au Saint-Siège la meilleure des armées. » « Oh, de la choux, de la choux !» répéta le cardinal avec une moue de bienveillant dédain. « Je n'ignore pas que de la choux croit être un bon catholique. Il est un peu notre parent, vous le savez, et quand il descend au palais, je le vois volontiers, à la condition de ne pas causer de certains sujets sur lesquels nous ne pourrons jamais nous entendre. Mais enfin, le catholicisme de se distinguer est bon de la choux, avec ses corporations, ses cercles d'ouvriers, sa démocratie débarbouillée et son vague socialisme, ce n'est en somme que de la littérature. » Le mot frappa Pierre, car il en sentit toute l'ironie méprisante dont lui-même se trouvait atteint. Aussi, s'empressa-t-il de nommer son autre répondant, qu'il pensait d'une autorité indiscutable. « Son éminence, le cardinal Bergerot, a bien voulu donner à mon œuvre une entière approbation. » Du coup, le visage de Boccanera changea brusquement. Ce ne fut plus le blâme railleur, la pitié que soulève l'acte inconsidéré d'un enfant destiné à un avortement certain. Une flamme de colère alluma les yeux sombres. Une volonté de combat durcit la face entière. « Sans doute, reprit-il lentement, le cardinal Bergerot a une réputation de grande piété en France. Nous le connaissons peu à Rome. Personnellement, je l'ai vu une seule fois quand il est venu pour le chapeau. et je ne me permettrai pas de le juger, si dernièrement ses écrits et ses actes n'avaient contristé mon âme de croyant. Je ne suis malheureusement pas le seul. Vous ne trouverez ici, dans le sacré collège, personne qui l'approuve. » Il s'arrêta, puis se prononça d'une voix nette : « Le cardinal Bergerot est un révolutionnaire. » Cette fois, la surprise de Pierre le rendit un instant muet. Un révolutionnaire, grand Dieu ! Ce pasteur d'âme si doux, d'une charité inépuisable, dont le rêve était que Jésus redescendît sur la terre pour faire régner enfin la justice et la paix. Les mots n'avaient donc pas la même signification partout. Et dans quelle religion tombait-il pour que la religion des pauvres et des souffrants devînt une passion condamnable, simplement insurrectionnelle ? Sans pouvoir comprendre encore, il sentit l'impolitesse et l'inutilité d'une discussion. Il n'eut plus que le désir de raconter son livre, de l'expliquer et de l'innocenter. Mais dès les premiers mots, le cardinal l'empêcha de poursuivre. « Non, non, mon cher fils, cela nous prendrait trop de temps, et je veux lire les passages. Du reste, il est une règle absolue. Tout livre est pernicieux et condamnable qui touche à la foi. Votre livre est-il profondément respectueux du dogme ?»« Je le pense, et j'affirme à votre éminence que je n'ai pas entendu faire une œuvre de négation. » »« C'est bon, je pourrais être avec vous, si cela est vrai. Seulement, dans le cas contraire, je n'aurai qu'un conseil à vous donner. Retirez vous-même votre œuvre, la condamner et la détruire, sans attendre qu'une décision de l'index vous y force. Quiconque a produit le scandale doit le supprimer et l'expier en coupant dans sa propre chair. Un prêtre n'a pas d'autre devoir que l'humilité et l'obéissance, l'anéantissement complet de son être dans la volonté souveraine de l'Église. Et même pourquoi écrire ? Car il y a déjà de la révolte à exprimer une opinion à soi. C'est toujours une tentation du diable qui vous met la plume à la main. Pourquoi courir le risque de se damner en cédant à l'orgueil de l'intelligence et de la domination ? Votre livre, mon cher fils, c'est encore de la littérature, de la littérature. » Ce mot revenait avec un mépris tel que Pierre sentit toute la détresse des pauvres pages d'apôtres qu'il avait écrites, tombant sous les yeux de ce prince devenu un saint. Il l'écoutait, il le regardait grandir, pris d'une peur et d'une admiration croissantes. « Ah, la foi, mon cher fils, la foi totale, désintéressée, qui croit pour l'unique bonheur de croire. Quel repos lorsqu'on s'incline devant les mystères, sans chercher à les pénétrer, avec la conviction tranquille qu'en les acceptant, on possède enfin le certain et le définitif. N'est-ce pas la plus complète satisfaction intellectuelle, cette satisfaction que donne le divin conquérant la raison, la disciplinant et la comblant, à ce point qu'elle est comme remplie et désormais sans désir? En dehors de l'explication de l'inconnu par le divin, il n'y a pas pour l'homme de paix durable possible. Il faut mettre en Dieu la vérité et la justice, si l'on veut qu'elle règne sur cette terre. Quiconque ne croit pas est un champ de bataille livré à tous les désastres. C'est la foi seule qui délivre et apaise. » Et Pierre resta silencieux un instant, devant cette grande figure qui se dressait. À Lourdes, il n'avait vu que l'humanité souffrante se ruer à la guérison du corps et à la consolation de l'âme. Ici, c'était le croyant intellectuel, l'esprit qui a besoin de certitude, qui se satisfait en goûtant la haute jouissance de ne plus douter. Jamais encore il n'avait entendu un tel cri de joie à vivre dans l'obéissance, sans inquiétude sur le lendemain de la mort. Il savait que Boccanera avait eu une jeunesse un peu vive, avec des crises de sensualité où flambait le sang rouge des ancêtres. Et il s'émerveillait de la majesté calme que la foi avait fini par mettre chez cet homme de race si violente, dont l'orgueil était resté l'unique passion. « Pourtant, se hasarda-t-il à dire enfin, très doucement, si la foi demeure essentielle, immuable, les formes changent. D'heure en heure, tout évolue, le monde change. »« Mais ce n'est pas vrai !» s'écria le cardinal. « Le monde est immobile, à jamais. Il piétine, il s'égare, s'engage dans les plus abominables voies. » Et il faut continuellement qu'on le ramène au droit chemin. Voilà le vrai. Est-ce que le monde, pour que les promesses du Christ s'accomplissent, ne doit pas revenir au point de départ, à l'innocence première? Est-ce que la fin des temps n'est pas fixée au jour triomphal, où les hommes seront en possession de toute la vérité apportée par l'Évangile? Non, non, la vérité est dans le passé. C'est toujours au passé qu'il faut s'en tenir. Si l'on ne veut pas se perdre. Ces belles nouveautés, ces mirages du fameux progrès, ne sont que les pièges de l'éternelle perdition. À quoi bon chercher davantage, courir sans cesse des risques d'erreur, puisque la vérité, depuis 18 siècles, est connue? La vérité, mais elle est dans le catholicisme apostolique et romain, telle que l'a créée la longue suite des générations. Quelle folie de le vouloir changer lorsque tant de grands esprits, tant d'âmes pieuses en ont fait le plus admirable des monuments, l'instrument unique de l'ordre en ce monde et du salut dans l'autre. » Pierre ne protesta plus, le cœur serré, car il ne pouvait douter maintenant qu'il avait devant lui un adversaire implacable de ses idées les plus chères. Il s'inclinait, respectueux, glacé, en sentant passer sur sa face un petit souffle, le vent lointain qui apportait le froid mortel des tombeaux. Tandis que le cardinal, debout, redressant sa haute taille, continuait de sa voix têtue, toute sonnante de fier courage. Et si, comme ses ennemis le prétendent, le catholicisme est frappé à mort, il doit mourir debout, dans son intégralité glorieuse. Vous entendez bien, monsieur l'abbé, pas une concession, pas un abandon, pas une lâcheté. Il est tel qu'il est, et il ne saurait être autrement. La certitude divine, la vérité totale et sans modification possible. Et la moindre pierre enlevée à l'édifice n'est jamais qu'une cause d'ébranlement. N'est-ce pas évident, d'ailleurs? On ne sauve pas les vieilles maisons dans lesquelles on met la pioche sous prétexte de les réparer. On ne fait qu'augmenter les lézardes. S'il était vrai que Rome menaça de tomber en poudre, tous les raccommodages, tous les replâtrages n'auraient pour résultat que de hâter l'inévitable catastrophe. Et au lieu de la mort grande, immobile, ce serait la plus misérable des agonies, la fin d'un lâche qui se débat et demande grâce. Moi, j'attends. Je suis convaincu que ce sont là d'affreux mensonges, que le catholicisme n'a jamais été plus solide, qu'il puise son éternité dans l'unique source de vie. Mais le soir où le ciel croulerait, je serais ici, au milieu de ces vieux murs qui s'émiettent sous ces vieux plafonds, dont les vers mangent les poutres. Et c'est debout, dans les décombres, que je finirai, en récitant mon credo une dernière fois. » Sa voix s'était ralentie, envahie d'une tristesse hautaine, pendant que, d'un geste large, il indiquait l'antique palais autour de lui, désert et muet, dont la vie se retirait un peu chaque jour. Était-ce donc un involontaire pressentiment, le petit souffle froid venu des ruines, qu'il effleurait lui aussi? Tout l'abandon des vastes salles s'en trouvait expliqué. Les tentures de soie en lambeaux, les armoiries pâlies par la poussière, le chapeau rouge que les mythes dévoraient. Et cela était d'une grandeur désespérée et superbe. Ce prince et ce cardinal, ce catholique intransigeant, retiré ainsi dans l'ombre croissante du passé, bravant d'un cœur de soldat l'inévitable écroulement de l'ancien monde. Saisi, Pierre allait prendre congé lorsqu'une petite porte s'ouvrit dans la tenture. Boccanera eut une brusque impatience. « Quoi ? Qu'y a-t-il ? Ne peut-on me laisser un instant tranquille ?» Mais l'abbé Paparelli, le caudataire, gras et doux, entra quand même, sans s'émotionner le moins du monde. Il s'approcha, vint murmurer une phrase, très bas, à l'oreille du cardinal, qui s'était calmé à sa vue. « Quel curé ? Ah oui, Santo Bono, le curé de Frascati. Je sais, dites que je ne puis pas le recevoir maintenant. » De sa voix menue, Paparelli recommença à parler bas. Des mots pourtant s'entendaient. Une affaire pressée, le curé était forcé de repartir, il n'avait à dire qu'une parole. Et, sans attendre un consentement, il introduisit le visiteur, son protégé, qu'il avait laissé derrière la petite porte. Puis, lui-même disparut avec la tranquillité d'un subalterne qui, dans sa situation infime, se sait tout-puissant.